Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une commandite de votre magasin local et régional Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Le printemps est à nos portes et pour vos besoins d'articles printaniers, c'est Canadian Tire du 1751 boulevard Vézina qui est l'endroit idéal. Surveillez la circulaire chaque semaine pour les différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. Ben, en fin de semaine, se déroulait le sixième match de la série de la grande finale entre les Marquis de Jonquin et les Éperviers de Sorel. Et les Éperviers ont battu les Marquis par la marque de 4-1 pour éliminer par le fait même les Marquis. Seul Yannick Riendo a marqué le seul but des Marquis. Maintenant, au cours des derniers jours, se déroulait une compétition à Alma, une compétition de course à pied. Il y avait 500 coureurs qui s'étaient donné rendez-vous. À noter que Marie-Claude Brassard, qui est native de Saint-Augustin, est terminée au deuxième rang chez les filles avec un temps de 19 minutes 33 secondes. Également, ben, au 1,5 km, Patrick David d'Albenel a pris le deuxième rang avec un temps de 5 minutes 15 secondes. Et aussi, ben, Claude Gilbert, au 5 km masculin, a pris le deuxième rang avec un temps de 16 minutes 31 secondes. Alex Bussière, tant qu'à lui, de Dolbeau-Mistassini, était également en compétition au cours des derniers jours. Alex Bussière qui est en compétition à Châteauguay. Et le coureur natif de Dolbeau-Mistassini a pris le troisième rang dans sa compétition. Le sport local et régional, à donnerlesport.com.